Je suis Birdie Doc. J'ai traversé des révolutions, des banqueroutes, des restaurations, des cracks, des plans sociaux, et quelques dîners en ville où l'on confondait encore l'héritage avec le mérite. J'y ai vu des ducs se croire légitimes et des traders se croire méritants. Les uns portaient des perruques, les autres des cravates. Le ridicule change parfois de costume. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot immense, flou, contesté et pourtant increvable, les classes sociales. Un mot qu'on emploie souvent comme on brandit une clé à ergot trouvée dans une caisse à outils. On sent bien que ça peut servir, mais on ne sait jamais tout à fait pourquoi ni comment. Et je vous préviens tout de suite, si vous attendez une définition universelle, limpide, unanimement admise, vous allez connaître une déception. J'en suis désolé. Comme le rappelle Louis Chauvel, des bibliothèques entières ont été consacrées à la question sans faire naître de consensus définitif. La tradition marxiste elle-même n'a pas laissé de définition stabilisée et incontestée du concept. Autrement dit, si vous cherchez LA définition des classes sociales, je préfère vous prévenir avec douceur, vous cherchez une licorne en sociologie. Nous allons donc faire un choix, pas une vérité révélée, nous allons choisir un instrument de travail tout simplement. Voici la définition que nous allons retenir. Ouvrez grand vos oreilles. Les classes sociales sont des groupes sociaux de grande dimension, pris dans une hiérarchie sociale de fait, mais pas de droit, inégalement situés et dotés dans le système productif et marqués par une forte identité de classe, temporelle, culturelle et collective. Ce n'est pas une définition tombée du ciel entre deux éclairs théoriques, c'est une définition de travail. C'est-à-dire une machine à observer la société sans trop se raconter d'histoire. Alors disséquons la machine. D'abord, les classes sociales sont des groupes sociaux de grande dimension. Une classe sociale, ce n'est pas un petit club de dégustation de vin bio à Belleville, ni une confrérie de cadres angoissés qui font du yoga à la pause méridienne dans une salle de la Défense. Une classe sociale désigne de plus grands ensembles, de très grands ensembles, des groupes massifs, des groupes qui structurent la société. Quand Marx pense les classes, il les rapporte à une position dans les rapports de production. Il parle de groupes historiques, antagonistes, structurés. Chez Weber, la situation de classe renvoie à des chances d'accès différencié aux biens et aux ressources sur un marché donné. Là encore, il s'agit d'ensembles vastes. Premier point donc, si ce n'est pas massif, ce n'est pas une classe sociale. Sinon, tout devient classe. On aurait la classe des amateurs de pêche au cou, la classe des amateurs de brunch, la classe des gens qui préfèrent les espadrilles aux tongs, et à ce moment-là, le concept devient une bouillie. Donc non, il nous faut des groupes massifs. Ensuite, les classes sociales s'inscrivent dans une hiérarchie de faits, mais pas de droit. Moi, j'ai connu des sociétés où la hiérarchie était de droit, c'était très pratique d'ailleurs. Tout le monde savait immédiatement qui commandait, qui obéissait et qui payait pour les lustres. Dans la société d'Ancien Régime, les inégalités étaient inscrites dans le statut juridique lui-même. On était noble, roturier, privilégié ou taillable. Taillable. Taillable, taillable de la taille. La taille, c'était l'impôt dont étaient exemptés les nobles. Je me demande parfois ce qu'ont fait vos professeurs d'histoire. Enfin, tout ça pour dire que le droit se chargeait de rappeler à chacun sa place. Dans les sociétés modernes, en principe, nous sommes juridiquement égaux. En principe. Le mot est toujours charmant, il permet à la réalité de se tenir droite quelques secondes avant de s'effondrer. Car dans les faits, les écarts de revenus, de patrimoine, de stabilité professionnelle, d'accès aux études prestigieuses et même d'espérance de vie, ces écarts demeurent importants. Ils ne sont plus inscrits dans les titres de noblesse, ils sont inscrits dans les trajectoires, dans les quartiers, dans les écoles fréquentées, dans la probabilité de tomber malade, de faire des études longues, d'hériter, de louer, de transmettre. C'est tout le paradoxe moderne. L'égalité de droit coexiste avec des inégalités de fait. Et c'est précisément dans cet espace-là que le concept de classe sociale retrouve sa nécessité. Deuxième critère donc, la structure sociale est hiérarchisée, mais cette hiérarchie n'est plus officiellement gravée dans le droit. Elle s'impose autrement, avec moins de cérémonial, mais souvent avec une dureté redoutable. Troisièmement, les classes sociales sont inégalement situées et dotées dans le système productif. Ici, il faut être précis. Parler de classe sociale, ce n'est pas seulement parler d'inégalité en général, ce n'est pas non plus dresser l'inventaire complet de tout ce que les individus possèdent, savent, transmettent ou affichent dans l'existence sociale. Dans notre définition, il s'agit bien de ce qui renvoie au système productif, autrement dit, à la place occupée dans l'organisation du travail et de la production, ainsi qu'aux ressources qui comptent directement dans cet univers. La position, d'abord, c'est la place occupée dans le processus de production. Qui possède, qui dirige, qui encadre, qui exécute, qui vend sa force de travail, qui dispose d'une autonomie réelle, qui dépend d'un employeur, qui est exposé à la précarité ou au chômage. Toutes ces positions ne donnent ni le même pouvoir économique, ni la même sécurité, ni le même rapport au travail. Et puis, il y a la dotation. Mais ici encore, il faut éviter d'aller trop loin. Dans ce cadre précis, les dotations sont les ressources qui pèsent directement dans la place occupée dans le système productif ou dans les chances d'y accéder dans certaines conditions. Le revenu tiré de l'activité. Le patrimoine, lorsqu'il soutient l'indépendance économique ou la propriété productive. La qualification, le diplôme, lorsqu'il conditionne l'accès à certaines positions, l'expérience professionnelle. L'idée centrale est donc la suivante. Les classes sociales se distinguent par des places différentes dans l'organisation de la production et par des ressources inégalement distribuées qui ont des effets directs sur cette place. On peut d'ailleurs dire que, sur ce point, notre définition doit beaucoup à Weber. La classe ne se comprend pas seulement à partir d'un niveau de revenu, mais à partir d'une position dans l'économie et sur le marché. Le troisième critère, donc, les classes sociales renvoient à des positions distinctes dans le système productif ainsi qu'à des dotations directement liées à ces positions. Enfin, les classes sociales supposent une identité. Le mot est important, une identité de classe temporelle, culturelle et collective. Voici maintenant la partie la plus fragile, la plus discutable et peut-être la plus intéressante. Et c'est aussi le moment où notre définition prend une liberté théorique qu'il faut assumer clairement. Sur ce point, nous ne reprenons pas Weber à la lettre. Chez Weber, la classe renvoie d'abord à la position économique et aux chances sur le marché, tandis que les manières de vivre, les styles de vie, le prestige relèvent plutôt des groupes de statuts. Dans notre définition, nous faisons un choix plus simple. Nous ne séparons pas complètement l'économique et le social. Nous considérons qu'une classe sociale ne se définit pas seulement par une position dans le système productif, mais aussi par une manière de vivre cette position. Autrement dit, dans notre définition, la classe ne renvoie pas seulement à une place dans l'économie, elle renvoie aussi à des habitudes, des représentations mentales, des manières de voir le monde et de se comporter qui vont souvent avec cette place. Elle suppose aussi une dimension vécue, une manière d'habiter le monde, une mémoire, des habitudes, des intérêts parfois partagés, une conscience parfois claire, parfois brumeuse, d'appartenir au même univers social. Je sens que ce n'est pas tout à fait clair, je vais détailler un tout petit peu. D'abord, cette identité de classe s'inscrit dans le temps. On ne tombe pas dans une position sociale comme on saute dans une piscine, on y naît souvent. On y est socialisé, on y hérite de dispositions, d'attentes, de limites plus ou moins visibles. La famille transmet bien davantage qu'un nom ou un vaisselier en chaîne. Elle transmet des habitudes, des manières de parler, des ambitions jugées raisonnables, des peurs jugées naturelles. Il y a donc une dimension intergénérationnelle, reproduction sociale, mobilité plus ou moins probable, mémoire collective, sentiment diffus que certains mondes sont pour nous et d'autres non. Le déterminisme social n'est jamais absolu, mais il n'a pas besoin de l'être pour être puissant. Il lui suffit de revenir, génération après génération, avec la régularité morne d'un postier cherchant l'aumône contre un calendrier. Ensuite, cette identité de classe prend aussi une forme culturelle. Les classes peuvent aussi se traduire par des pratiques culturelles distinctes, des goûts spécifiques, des manières de parler, de se tenir, de se vêtir aussi, de meubler l'espace, de considérer l'école, de travailler, de gérer son temps libre, d'exercer son autorité, d'anticiper l'avenir. Ce qui paraît naturel à certains est appris depuis l'enfance. Ce qui paraît vulgaire à d'autres est parfois simplement populaire. Et l'on passe une bonne partie de la vie sociale à faire passer des pratiques culturelles de classe pour des évidences générales. Enfin, cette identité de classe peut aussi prendre une forme collective, un sentiment d'intérêt commun, des formes d'organisation, des mobilisations, des solidarités, des oppositions, ou au minimum une conscience plus ou moins nette d'appartenir à un même monde social. Cette conscience n'est pas toujours explicite, elle n'est pas toujours militante, elle n'est pas toujours glorieuse non plus. mais elle peut exister à l'état diffus, dans les manières de dire « nous » et « eux », dans ce qu'on croit mériter, dans ce qu'on accepte, dans ce qu'on ne supporte plus. Voilà. Ce quatrième critère, donc, l'identité, suppose plus que l'existence d'inégalités, il suppose une appartenance partagée ou au moins la possibilité de la reconnaître. La vraie question maintenant est de savoir si ces quatre critères, groupe massif, hiérarchie de fait, place et dotation dans le système productif, identité, tiennent encore ensemble aujourd'hui. Nous n'allons pas conclure ici, ce serait prématuré et j'ai déjà vu trop de gens conclure avant même d'avoir commencé à penser. Mais ces quatre critères sont-ils encore réunis simultanément dans les sociétés contemporaines? La voilà l'enquête. Et nous allons voir si ce grand mot, classe, vit encore en pleine santé ou s'il survit seulement parce que les sciences sociales aiment parfois embaumer les vieux concepts avec beaucoup de dignité. Je garderai le masque et nous regarderons ensemble si ce mot tient encore debout.